13h20 sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. La démocratie s'arrête là où commence l'intérêt de l'État. C'est Charles Pasqua qui a prononcé cette phrase terrible et cynique à l'occasion de je ne sais plus quelle affaire. Et elle m'est aussitôt revenue à l'esprit lors de mon dernier entretien avec M. X, car elle illustre parfaitement l'histoire qu'il m'a racontée. Une histoire où d'ailleurs Charles Pasqua a joué un rôle non négligeable en tant que ministre de l'Intérieur. Mais cette phrase aurait eu le même sens si nous avions parlé de l'affaire Penbarka, du Rainbow Warrior ou du faux vrai passeport d'un certain Yves Chalier. Encore un mot avant d'aborder ce dossier. Rarement comme cette semaine, je n'ai vu mon interlocuteur aussi tendu et révolté. Je croyais pourtant que cet homme qui a fréquenté toute sa vie services secrets et autres officines occultes était revenu de tout. Eh bien non. Sa capacité d'indignation demeure. Monsieur X n'a pas fini de me surprendre. 1987, c'est l'époque de la première cohabitation. Un avocat français d'origine algérienne est abattu dans le hall de son immeuble parisien. Il s'appelle Ali André Messili. Et il se bat depuis des années pour la défense des droits de l'homme et la démocratisation de l'Algérie. Un sujet malheureusement toujours très contemporain. Presque aussitôt après cet assassinat, les services secrets algériens sont montrés du doigt. Alger, bien sûr, nie. Et l'enquête se traîne. Mais, deux mois plus tard, un voyou algérien et sa compagne sont interpellés par la police. Leurs liens avec la redoutable sécurité militaire algérienne sont établis. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent les coupables. Mais très vite, le couple est expulsé vers l'Algérie en urgence absolue. C'est Robert Pandreau, ministre de la Sécurité, qui a pris la décision. Naturellement, on ne reverra jamais les suspects en France. Et comme dirait Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur au moment des faits, la démocratie doit s'incliner devant la raison d'État, la démocratie, mais surtout la justice, car l'affaire ne sera jamais résolue, officiellement en tout cas. Pourtant, la femme de Messili, ses amis aussi, n'ont pas ménagé leurs efforts pour que justice soit faite. Mais il faut croire que des intérêts supérieurs s'y opposaient. En avril 1988, Annie Messili, la veuve de l'avocat assassiné, publie une tribune libre dans le quotidien Libération sous le titre « La deuxième mise à mort de Messili ». Je la cite. « Fallait-il que la possibilité d'une alternative démocratique fît peur pour qu'Alger dépêchât un tueur un soir d'avril 1987. Fallait-il que l'État algérien fût assuré du soutien de la France et de sa complaisance pour oser violer la souveraineté nationale et accomplir cet acte barbare sur le sol français? Fallait-il enfin être aveuglé pour refuser de voir que cet assassinat portait en lui l'horreur et la barbarie qui depuis sont advenues? Dans un instant, la version de M. X. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas suivi personnellement cette affaire Messili. Mais dans les services, nous savions très bien qui était cet avocat. Non, il était surveillé. Bon, écoutez, je vais être franc, dans les affaires algériennes, nous avons toujours eu une attitude tordue. À cause de la colonisation, j'ai dit. Bien sûr. Ouais. 130 ans d'intimité, ça laisse des traces. J'ajoute que de l'autre côté... Du côté algérien, vous voulez dire? Oui, ouais. Donc de l'autre côté, on n'était pas moins tordu. Ah, expliquez-moi. Les Algériens se considéraient un peu chez eux en France. Et surtout, ils disposaient d'une puissante amicale regroupant une majorité d'immigrés, amicales qui étaient directement téléguidées par Alger. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, nous avions encore beaucoup d'intérêts communs. Des intérêts économiques? Naturellement, mais pas seulement. À chaque fois que nous avions des difficultés au Proche-Orient, par exemple, Alger était mis à contribution et prié de s'entremettre. Oui, dans les affaires d'otages. En particulier. Ce qui signifie que nos services spéciaux se connaissaient très bien et coopéraient à l'occasion. Donc l'avocat et opposant, Messili, était bien connu de vos services, comme on dit. Oui, tout à fait, d'autant qu'autrefois, lui aussi, il avait fait partie de la famille. La famille, ça, expliquez-moi. Bien, à l'époque de la guerre d'Algérie, Messili a une vingtaine d'années. Il va être mobilisé dans l'armée française. Partisan de l'indépendance, il doit choisir. Ou bien il prend le maquis, ou alors il s'exile. C'est la deuxième solution qu'il prend, et il passe en Italie. Et de là, il rejoint l'armée des frontières. Ouais, l'armée des frontières, c'est l'armée du GPRA, qui était regroupée en Tunisie. Oui, là, le jeune étudiant en droit est très vite remarqué. Et il est incorporé dans un organisme qui s'intitule le ministère de l'armement et des liaisons générales, qui est en fait le service de renseignement du gouvernement provisoire algérien. En fait, donc c'était un collègue, en somme. Si on peut dire. L'indépendance arrive, et avec elle, les premières bagarres avec le pouvoir. Vous voulez parler, ça, des événements de l'été 62, exactement, en Algérie. Hein. Bon, je résume. D'un côté, il y a l'état-major général, avec Ben Bella et Kider. De l'autre, il y a le bureau politique du GPRA, avec en particulier Boudiaf et Krim Belkacem. Et le sang va couler. La confrontation est même tellement grave que le peuple d'Alger descend dans la rue en criant « 7 ans, ça suffit ». C'est vrai qu'on a un peu oublié tous ces événements. Ouais. Et Messili, alors, lui, dans tout ça? Mais il ne supporte pas ces luttes fratricides et refuse d'y participer. Et il déserte. Et un peu plus tard, comprenant que c'est l'armée qui a en réalité pris le pouvoir, elle ne l'a toujours pas quitté, entre parenthèses, Ali Messili rejoint Haït Ahmed, qui résiste au pouvoir dans son fief, Kabyle. Mais en 1964, le jeune homme est arrêté. Et il parvient miraculeusement à s'enfuir en France. Mais quelle est alors sa situation vis-à-vis de la France? Ali, André Messili, naît de parents naturalisés français, dont français. Chez nous, il termine ses études de droit et devient avocat. Et il rompt avec ses anciennes activités? Si vous voulez parler du renseignement, oui. Par contre, Messili ne renonce pas à s'occuper de politique algérienne. Même en exil? Vous savez, l'exil, c'est le lot de tous les opposants au régime. Et justement, il est resté très proche d'Haït Ahmed, qui a lui-même trouvé refuge en Suisse après s'être évadé. Une parenthèse, avant de revenir à ses activités politiques, Messili a fondé une association qui vient en aide aux pauvres et aux démunis. Et cet homme juste ne refuse jamais de plaider pour un type en difficulté, gratuitement souvent. On dirait que vous avez la sympathie pour Messili. Hein? Je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est vrai qu'on ne pouvait avoir que de l'admiration pour un personnage semblable. Et c'est pour cette raison que la simple évocation de cette affaire me met encore aujourd'hui en colère. Je croyais pourtant que vous en aviez suffisamment vu tout au long de votre carrière. Bon, c'est vrai que j'ai eu connaissance de pas mal de saloperies et que parfois j'ai dû moi-même me salir les mains, mais là on a dépassé toutes les bornes. Tenez, même l'affaire Ben Barka s'est terminée par un procès. Tandis que pour Messili, rien. Rien, sinon le mépris. Ouais. Alors revenons sur ses activités politiques, car j'imagine qu'elle doit avoir forcément un rapport avec son assassinat. Mais évidemment, Messili se bat pour une Algérie démocratique. Et son ambition est de parvenir à fédérer les opposants au régime de Chadli. Et en 1986... Un an avant sa mort, donc. Oui. Il réussit une sorte d'exploit. La réconciliation entre deux exilés prestigieux, Ben Bella et Haït Ahmed. C'est d'autant plus méritoire que les deux hommes se sont longtemps combattus et qu'ils ont des idées parfaitement divergentes. Ouais. Haït Ahmed est un laïc, lui. Oui, tandis que Ben Bella est déjà tenté par l'islamisme. Mais Messili a su convaincre les deux leaders que seule l'union de l'opposition permettra de venir à bout d'un régime antidémocratique et corrompu. Et pour sceller cette réconciliation, l'avocat prend la direction d'un journal, Libre Algérie, où pourront s'exprimer tous les opposants. Est-ce qu'on sait comment on réagit à Alger à ce moment-là? On fait la grimace. Ouais. Autrefois, à l'ère Boumediene, on envoyait des tueurs pour se débarrasser des opposants isolés. Aujourd'hui, il paraît plus difficile d'éliminer tous ces gens unis. Mais c'est Messili qui cristallise la haine du régime algérien. Mais pourquoi? Parce qu'il est le vrai responsable de cette unification? Incontestablement. Mais aussi parce qu'on le soupçonne d'avoir un réseau d'informateurs au sein même de la nomenclature algérienne. Et sans déflorer la suite de mon récit, je peux vous dire que c'est là l'un des secrets de l'affaire Messili. Donc à Alger, si je vous suis bien, on décide de liquider physiquement l'avocat? Pas tout de suite. Pour le faire taire, les gens de la sécurité militaire algérienne utilisent d'abord la menace. De quelle façon? Classique. Les coups de téléphone se multiplient à son cabinet. Le correspondant est toujours anonyme, mais le message, lui, est clair. Si Messili ne renonce pas à son activité politique, il sera abattu. Réaction de l'avocat? André Messili n'est pas homme à céder. Mais pourtant, est-ce qu'il prend au sérieux ses menaces? Naturellement. Il est bien placé pour savoir que ses adversaires sont redoutables. Donc il prend des précautions? Lorsqu'il se déplace dans Paris, il est vigilant. À plusieurs reprises, il a eu l'impression qu'on le filait et il envisage de recruter deux gardes du corps, des militants de son mouvement. L'un d'eux est un colosse, Khaled Dabal. Qui est celui-là? Un militant benbelliste. L'avocat a assuré sa défense lorsqu'il a été inculpé par la justice française à cause de ses activités politiques. Et justement, Dabal va bientôt sortir de prison. Malheureusement, ce sera trop tard pour Messili. Les tueurs vont frapper avant. Le journaliste et écrivain Michel Naudy a consacré un livre très documenté à l'affaire Messili, intitulé « Un crime d'État ». État étant écrit avec un S et désignant bien sûr l'Algérie et la France. Livre paru chez Albin Michel. Naudy a écrit, je le cite, « Face aux menaces qui se précisent, André Messili, qui plus que d'habitude mesure le danger, commence à prendre des précautions. Une première fois dans un restaurant de Marseille où il retrouve en mars quelques amis, il pose ouvertement le problème de sa sécurité. Les coups de téléphone anonymes se multiplient, il faut réagir. D'autant que ses fonctions politiques l'accaparent de plus en plus au détriment des affaires du cabinet. En quelques jours, deux décisions sont arrêtées. Messili va progressivement prendre de la distance avec son métier. Il contacte à cet effet une de ses consoeurs pour entamer un processus d'association. La deuxième décision est plus longue à mettre en place. Deux adhérents du MDA, il s'agit du mouvement de Ben Bella, vont être affectés à la protection rapprochée de l'avocat. Monsieur X nous l'a dit, l'un de ces deux hommes s'appelle Khaled Darbal. Il est encore en prison et quand il sera libéré, Messili aura déjà été assassiné. Naudy précise ailleurs que dans la semaine qui a précédé sa mort, l'avocat semblait déprimé. Préoccupé, il sentait le danger et n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Quelques jours plus tôt, sa secrétaire a découvert un message sur le répondeur du cabinet. Fin mars, ce sera fini pour toi. Le 7 avril 1987 semble un jour comme les autres pour André Messili. Le matin, en compagnie de sa femme, il accompagne ses deux jeunes enfants à l'école. Puis il se rend à son cabinet, boulevard Saint-Germain, près du carrefour de l'Odéon. Beaucoup de clients l'attendent. Des sans-papiers, comme on dirait aujourd'hui, mais aussi des politiques, des familles de détenus en Algérie ou en Iran, par exemple. Donc la routine pour lui, quoi. À l'heure du déjeuner, il se rend dans une brasserie voisine et en profite pour rencontrer des militants du mouvement d'Arit Ramet. L'après-midi, il plaide et regagne son cabinet. De nombreux rendez-vous l'attendent encore. Mais pour rien qui puisse l'inquiéter particulièrement. Si. Dans la soirée, le téléphone sonne et c'est un nouvel anonyme et menaçant. Ouais. Mais si vous me racontez l'emploi du temps de Messili ce 7 avril, c'est que c'est ce jour-là qu'on va l'assassiner, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ouais. Alors, que signifie ce coup de téléphone qui peut rendre Messili encore plus méfiant ? Écoutez, je ne le sais pas exactement. Mais enfin, on peut supposer que les tueurs étaient, eux, aux aguets et qu'ils voulaient simplement s'assurer de la présence de l'avocat à son cabinet. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Car j'ai aussi pensé à autre chose. Racontez. Messili pouvait avoir aussi de bons amis très bien informés qui étaient dans l'impossibilité de se découvrir et qui voulaient simplement l'avertir des menaces qui pesaient sur sa vie. Et ces gens bien informés, là, il s'agirait de ces informateurs très bien placés dans la nomenclatura algérienne ? C'est possible, mais je continue. Messili se dispose à rentrer chez lui, dans le haut du boulevard Saint-Michel, lorsqu'une visiteuse se présente. C'est une amie et une cliente, Christine. L'avocat a oublié qu'ils avaient rendez-vous. Et il la reçoit quand même ? Tout à fait. Et après avoir bavardé quelques instants, ils vont prendre un verre dans un café du quartier. Il est alors quelle heure ? Bientôt 22h, et il fait nuit. Et Messili a prévenu son épouse qu'il serait en retard, j'imagine. Bien évidemment. Et d'ailleurs, après ce verre, Messili décide de rentrer. Christine propose de l'accompagner jusqu'au pied de son immeuble. Et ils vont marcher Oui. Ça représente une petite balade d'un quart d'heure, 20 minutes environ. C'est pas très prudent quand même pour un homme qui se sent menacé. Parce qu'il fait nuit, hein, c'est bien ce que vous m'avez dit. C'est exact. Mais l'avocat doit penser qu'on n'osera pas l'attaquer dans un quartier aussi fréquenté. Ouais, encore que le soir, le haut du boulevard Saint-Michel à hauteur du Luxembourg, c'est pas très passant. Hein. Oui, enfin, vous savez, quand on vit sous une menace permanente, il y a des moments où on a envie de défier les événements. Et donc de défier la mort. Peut-être. On dirait que ça vous est déjà arrivé. Quelquefois, oui, mais bon, écoutez, cessons de parler de moi, s'il vous plaît. Comme vous voudrez. Donc l'avocat et son ami remontent le boulevard Saint-Michel. Et ils continuent à bavarder tranquillement. Rien de suspect. Jusque devant le domicile de Messili, non. Et devant le domicile de Messili ? Les deux amis se disent au revoir et se séparent. Christine s'apprête à traverser le boulevard pour gagner l'arrêt d'autobus. Et soudain, elle se retourne. Et pourquoi ? Encore une fois, je n'en sais rien. Une intuition peut-être, l'intuition d'une présence. Et que voit-elle en se retournant ? Un homme, parapluie à la main, qui s'engouffre dans la porte de l'immeuble juste derrière l'avocat. Et que pense-t-elle à ce moment-là ? Elle doit se dire que l'homme a oublié sa clé et profite du passage de Messili pour entrer dans le bâtiment. Donc elle ne s'inquiète pas ? Non.

Avec des détails aussi précis, ça peut être très difficile d'identifier ce Malek. Hein. C'est évident. Et l'affiche qui sort des sommiers de la préfecture de police correspond à celle d'un repris de justice, un nommé Malek Amelou. Quel est son pédigré ? Ce Kabyle, âgé d'une trentaine d'années, a accumulé vols, escroqueries, proxénétisme, détention d'armes et j'en passe. Sa concubine, Fatna, a eu aussi affaire à la justice. Et tous deux vivent dans le 10e arrondissement, près de la gare de l'Est, donc pas loin de l'endroit où le chauffeur de taxi a déposé son client bavard. Donc les policiers s'y précipitent, hein ? Oui, mais ils trouvent porte close. Ah, le couple s'est enfui ? La boîte aux lettres bourrée de courriers atteste en tout cas qu'ils sont partis depuis plusieurs jours. Échec, non ? Provisoire. Car un deuxième tuyau parvient à la police très peu de jours après le premier. Par le même canal ? Non, non. Un inspecteur qui, comme le premier, n'a rien à voir avec l'affaire Messili, reçoit lui aussi un tuyau. Le tuyau dont rêve tout policier. Tout y est. Les noms, les lieux, le montant du contrat. C'est extraordinaire. Et vous, vous ne croyez pas au hasard ? Bien entendu. Je sais que dans le milieu, contrairement à ce qu'on prétend, il n'existe aucun code de l'honneur et qu'on bavarde à tort et à travers. Il y a quand même des limites. Et là, elles sont franchement dépassées tant les précisions sont accablantes. Racontez ça, ces précisions. Une confirmation. L'assassin est bien le dénommé Malek. Il a agi de conserve avec un certain Sami. Deux hauts personnages algériens. Leur nom et leur fonction sont donnés. Ont proposé 800 000 francs pour exécuter le contrat. Le mystérieux informateur est même capable d'indiquer dans quel restaurant la négociation a eu lieu. Ces précisions sont en effet étonnantes. Mais c'est pas fini. Parce qu'on n'a pas envie que les policiers s'égarent. Donc, on leur donne en prime des informations de première importance, et en particulier, le signalement de Malek, de Sami et des deux hauts responsables algériens, dont l'un est un commandant de la sécurité militaire. Pour faire bonne mesure, on ajoute que Malek, qui vit avec une danseuse nue qui se produit à Pigalle, possède deux voitures, une Porsche et une BMW. Et on ajoute le numéro d'immatriculation des deux voitures et même l'adresse du garage où elles sont remisées. On ne peut pas être plus coopératif. N'est-ce pas ? Et j'allais oublier, on dit que Malek se trouve en Algérie, mais que sa concubine qui se trouvait avec lui est de retour en France. Les policiers vont donc pouvoir tendre une souricière. Oui, mais d'abord ils vérifient le tuyau. Tout est exact. La ligne téléphonique de Fatna est aussitôt mise sur écoute et rapidement ça donne des résultats. D'accord. Malek appelle sa compagne depuis l'Algérie. Très mystérieusement, il lui demande de ne surtout pas fréquenter les magasins pendant la troisième semaine de juin, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire, ce... Les policiers pensent immédiatement aux attentats qui ont ensanglanté Paris un an plus tôt, en 1986. À Alger, ce Malek a pu obtenir des informations sur la préparation de nouveaux attentats. Oui, donc il préviendrait sa compagne. Mais il y a du vrai là-dessous, hein ? C'est très possible. Les services algériens, qui avaient d'excellents rapports avec la plupart des mouvements terroristes et servaient d'ailleurs souvent d'intermédiaires avec les ravisseurs dans les prises d'otages, pouvaient très bien savoir quelque chose. En tout cas, ça signifiait pour les policiers français que Malek n'était pas seulement le petit truand qu'on pensait. Et ces écoutes-là, qu'apprennent-elles encore aux policiers français ? Malek parle d'argent caché en Corse. L'argent du contrat ? Certainement. Mais surtout, ils apprennent le retour prochain de Malek Amelou à Paris. Et ils l'arrêtent sans difficulté quand il revient chez lui. Aussitôt, une perquisition est ordonnée à son domicile. Ça donne quelque chose ? Bien, d'abord, les policiers se rendent compte que Malek vit sur un grand pied. Mais l'important, c'est le petit papier qu'il trouve dans son portefeuille. Un ordre de mission de la sécurité militaire algérienne. Donc le mystérieux indicateur avait raison sur tous les plans. Oui. Mais Malek, placé en garde à vue, n'est guère bavard. À propos de cet ordre de mission, il raconte des bobards. Et il nie toute participation dans l'assassinat de Messili. Est-ce qu'il est confronté avec les deux témoins, la Christine, l'ami de Messili, et le chauffeur de taxi ? Le chauffeur de taxi ? Ben, on néglige carrément de le convoquer. Quant à Christine, il se passe quelque chose de très curieux. Lorsqu'au cours d'une séance traditionnelle de tapissage, on lui présente Malek Camelou au milieu de quatre autres hommes, elle éclate en sanglots. Ce qui veut dire, à votre avis ? Oh, sans nul doute, elle a reconnu l'homme au parapluie, l'assassin de son ami Messili, mais elle a peur. Sans doute a-t-elle été déjà menacée. Conclusion, elle hésite et n'identifie pas Amelou comme l'homme qui est entré dans l'immeuble de l'avocat et ressorti tout de suite après. Mais, attendez, est-ce que le signalement qu'elle avait donné précédemment correspondait avec le physique de ce Malek-là ? Tout à fait. À part une moustache toute récente, mais que Christine ait ou non reconnu Malek Amelou n'a pas beaucoup d'importance. Et pourquoi ? Parce que le sort de Malek Amelou est déjà scellé. C'est-à-dire, ça ? Alors que Fatna, qui a été placée en garde à vue en même temps que Malek, commence à craquer, un ordre vient du ministère de l'Intérieur. L'Algérien et sa compagne sont expulsés, en urgence absolue. Le soir même, ils s'envolent pour Alger. Ouais. Ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils parlent. C'est évident. Mais on ne veut surtout pas arriver à une mise en cause de l'Algérie. Oui, mais la justice, le juge d'instruction... Bon, on s'est passé de lui demander son avis. Ah bon ? Et l'affaire en est restée là ? Sur le plan policier, oui. Le comparse de Malek, le dénommé Sami, qui s'appelait en réalité Nenouche, était parti en Algérie depuis belle lurette. Quant aux autres hommes qui avaient été plus ou moins mêlés à l'affaire, ils n'ont jamais été réellement inquiétés. Silence, donc. Silence et falsification de la vérité, oui. J'ajoute que l'homme qui devait être le garde du corps de Messili... Ah, le colosse, là. Oui, Khaled Dabal. Il estimait avoir une dette vis-à-vis de l'avocat qu'il avait bien défendu lors de son procès. Et il s'est mis en tête de faire la lumière sur l'assassinat de Messili. Mal lui en a pris. 2 ans après Messili, il est tombé à son tour sous les balles d'un tueur. Et naturellement, on a conclu qu'il s'agissait d'un banal règlement de compte. Bon. Alors revenons, si vous le voulez bien, à ces gens haut placés qui, à Alger, d'après vous, donnaient des informations à Messili. Ouais, ceux qui ont tout fait pour que la vérité éclate. Oui, d'accord, mais qui ont échoué quand même. C'est juste. Alors qui était-il exactement ? Oh, je ne connais pas précisément leur identité, mais je sais qu'ils se trouvaient au cœur même du système. Un système antidémocratique qu'ils voulaient abattre tout autant que Messili. Et ces informations, alors ? Ses opposants clandestins avaient révélé à l'avocat que la propre épouse du président Chadli avait la main mise sur la négociation de quelques juteux contrats internationaux. Mais il y avait aussi autre chose, et ça jette une lumière crue sur l'affaire. Ah, je vous écoute, là. Lorsqu'il a été assassiné, Messili venait d'apprendre que des milliards d'anciens francs avaient été distribués par l'Algérie à des partis politiques européens. Européens et parmi eux des partis français, hein ? Devinez. Ça explique beaucoup de choses, non ? Sur ce point, je dois reconnaître que le Canard Enchaîné, encore lui, a publié un article sur la pairie générale de l'ambassade d'Algérie à Paris, pairie qui aurait précédé à des versements à des partis politiques. L'informateur du journal ne pouvait être qu'un très haut fonctionnaire algérien, peut-être l'un de ces hommes qui informait Messili, selon M. X. Par ailleurs, il faut remarquer que Mme Messili et les amis de son mari n'ont jamais obtenu que le dossier de l'assassinat soit rouvert. Mieux, en 1991, la veuve de l'avocat dépose une plainte pour forfaiture et attentat aux libertés. Une plainte qui vise naturellement ceux qui ont permis que Malek Amelou et ses complices échappent à la justice. Le 27 octobre 1992, la cour d'appel de Lyon juge la plainte irrecevable au motif qu'Annie Messili ne saurait prétendre avoir personnellement souffert d'un préjudice causé par les infractions alléguées. Aussitôt après, le juge d'instruction prononce un non-lieu dans le dossier de l'assassinat de l'avocat. Mais le parquet général infirme ce jugement et donc le non-lieu. Un nouveau juge d'instruction est nommé. Depuis, rien. À samedi prochain sur France Inter.